Chapitre 6e. Le sacrifice d'Isaac. Quand Toto revint à la rue du château Landon, il n'était pas seul. Suzon, qui l'attendait avec impatience, tant elle redoutait toujours qu'il lui arrivât quelque accident, au milieu de ces aventures étranges dont elle le savait jeter, poussa un cri de surprise. « Oh, ce chien !» En effet, Fouinard réapparaissait, suivi d'un chien de couleur indécise entre le gris sale et le roux malpropre. « Oui, dit-il, un cabot, Isaac. Isaac, drôle de nom. Le seul qu'il mérite. Il est vilain. Ne dites pas cela, Suzon. Oui, il a le museau trop long et la queue trop courte. Le crâne presque chauve et le dos râpé. Mais vous le reconnaîtrez, hélas, plus tard. Isaac a une âme d'élite. Je vous prie, Suzon, de l'entourer des soins les plus maternels, comme si vous étiez l'aumônier de la roquette. Que diable dites-vous là ? On dirait que vous battez la campagne. Isaac, appela Fouinard. Isaac leva le nez. Il était laid. La chose ne se pouvait nier. Mais il avait l'air futé, avec de bons yeux rigoleurs. C'était le cabot des rues dans toute sa primitive nature. Évidemment, il ignorait les usages du monde, car à peine entré, il avait levé la patte contre le mur, avec discrétion d'ailleurs. Veux-tu ? Cria Suzon, en levant la main en signe de menace. « Soyez indulgente, Suzon, » reprit Fouinard en appelant de nouveau le chien, qui, sans se faire prier, vint mettre son museau sur ses genoux. « Cet animal n'a pas été élevé sur les genoux d'une souveraine. Il les peuple et a du peuple les sublimes naïvetés. Aussi, en son âme innocente, peut-on retrouver intact les germes des grandes vertus. Il le prouvera tout à l'heure, n'est-ce pas, Isaac ?» Isaac remua la queue et fureta. « Peut-être qu'il a faim, » insinua Suzon. « Ah, plutôt ciel !» fit Toto, qu'il n'ignora jamais cette sensation. Suzon, voulez-vous que je vous explique exactement ce que les anciens, les Grecs du temps du divin Homère, entendaient par ce mot « ananké » ? J'ai vu ce mot-là dans Notre-Dame de Paris, en effet. Mais il est plus ancien que Victor Hugo, car il est éternel, il signifie la fatalité. Je me souviens de ça, vaguement. Je n'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Quelque chose comme le hasard, la mauvaise chance. Revenant de courses nombreuses, ayant dépensé 17,80 francs de taxi et 10 francs de pourboire, j'ai en face de la gare de l'Est aperçu Isaac qui, tout seul, assis sur son derrière, regardait passer la foule. Je ne songeais certes pas à lui, car, absorbé par mes réflexions, je cherchais certains moyens qui m'échappaient. Quand Isaac, m'ayant avisé, ne fit ni une ni deux, se leva, remua la queue en signe de reconnaissance, comme si j'étais celui qui l'attendait, il s'est mis à me suivre, tel un imbécile fait d'une jolie femme. C'était la fatalité. J'ai voulu renvoyer ce chien, je lui adressais des paroles véhémentes. J'ai tenté de blesser son amour-propre, de lui inspirer de la haine et du mépris. Il n'a rien voulu savoir. À mes outrages, il a répondu en remuant la queue et en me suivant. C'est alors que j'ai compris qu'il s'appelait Isaac et qu'il obéissait à la fatalité. Suzon l'écoutait en ouvrant de grands yeux. Elle n'était pas éloignée de croire que Fouinard avait bu un petit coup de trop et disait des bêtises. Enfin, puisque ce chien est là, Isaac, comme vous dites, qu'il se tienne tranquille et qu'il ne fasse pas trop de mistoufle dans le logis. Voilà tout ce que je lui demande. Isaac, dit Fouinard d'un ton grave, a le droit de faire ici tout ce qui lui plaît. Il est de ceux à qui rien ne doit être refusé. J'entends, vous comprenez, Suzon, je tiens à ce qu'il soit l'objet des plus grands égards. Mais laissons cela. Suzon, vous aurez le droit d'aller de ce pas chez le charcutier et d'y acheter pour une somme convenable, mais modérée, de la chair à saucisse. Suzon eut encore un petit mouvement de révolte. Évidemment, on jouait aux propos interrompus. C'était une petite femme bien sage, bien raisonnable, et elle détestait l'incohérence. Mais elle se résigna bien vite. Fouinard avait bien le droit, après tout, d'avoir son petit grain tout comme un autre. Bien. « De la chair à saucisse, » dit-elle. « Tout ce qu'il y a de plus fin. Vous vous procurez aussi des aromates. Vous connaissez les secrets de l'art culinaire. Faites appel à tous vos souvenirs de petits cordons bleus. Car je désire que vous confectionnez, avec la dite chair à saucisse, une boulette qui réunisse à la saveur la plus exquise le parfum le plus attirant. Allez, Suzon, c'est une mission de confiance. Montrez-vous en digne. Bien, monsieur Fouinard. » On fera votre volonté. Ce n'est pas tout. J'attends le docteur Tozan, qui doit me servir de complice. dans la perpétration d'un crime, que je médite et qui sera accompli ici même. Je ne sais pas si ce noble praticien ne condescendra pas à prendre, après l'œuvre terrible, une tasse de café avec fine champagne. Préparez-nous ce breuvage de votre main légère et délicate. Et maintenant, Susan, allez. J'ai besoin de rester seul avec Isaac et de causer avec lui. Un entretien à la façon du divin Platon. Décidément, il a quelque chose de pas naturel, se dit Susan. Heureusement que Michel va revenir, car je suis inquiète. Pourtant, Fouinard n'avait jamais paru plus calme. Sauf que, dans sa voix, et malgré ses plaisanteries, il y avait un accent de tristesse qui n'échappait pas à la perspicacité de la petite femme. Elle sortit. Toto restait seul, sortit de sa poche les papiers qu'elle contenait. On se souvient que, d'après ses calculs, sur les 11 morts subites que lui avait signalé le préfet, il n'en restait que 7 qui fussent sujettes à caution, c'est-à-dire susceptibles d'être attribuées à la cause mystérieuse que recherchait Fouinard. De ces 7, 4 étaient des gens connus, Bouchard, Masset, Chardin et Devers. Dans son enquête, Fouinard avait recueilli, pour Bouchard, 2 lettres et 2 enveloppes, pour Masset, 1 enveloppe, pour Chardin, 2 enveloppes, pour Devers, 1 enveloppe, toutes, sauf la dernière, garnies de leur timbre-poste. Il y avait lieu de distinguer l'enveloppe reçue de celle qui avait contenu la réponse. La première n'avait d'importance que par l'écriture du suscripteur et le timbre du bureau où la lettre avait été jetée. C'était le bureau de la rue des Abbesses. Quant aux enveloppes qui avaient contenu les réponses, dont tous les destinataires étaient inconnus à l'adresse indiquée par le demandeur de renseignements, Toto, à force de les examiner, avait constaté des faits. D'abord, il y avait comme un dernier relan extrêmement vague d'une odeur bizarre, de foin nouvellement coupé, dont les Anglais ont composé un parfum connu sous le nom de foin de la nouvelle lune, New Moon Hay. Puis, sur l'enveloppe dont le timbre avait été décollé par le garçon de bureau, Fouinard, on s'en souvient, avait remarqué que la partie du papier sur laquelle ce timbre avait reposé était nettement marquée par un carré bleuâtre, reproduisant exactement les contours du timbre. Or, en étudiant les enveloppes, Fouinard avait constaté qu'en regardant le papier à l'envers du timbre-poste, il y avait cette même teinte, moins visible, mais discernable. Devant Fouinard, il y avait la canne Justine, dressé contre une chaise, puis à ses pieds, Isaac, qui assis dans la pose la plus naturelle, le regardait. « Je vous le demande à tous deux, » disait Toto. « N'y a-t-il pas là des circonstances fort intéressantes et dont un homme de sens doit tenir compte ?» En outre de ces 4 enveloppes, j'en ai encore une autre que j'ai recueillie à la maison de comptabilité dans laquelle un malheureux employé est mort subitement, après avoir répondu à une lettre par laquelle on demandait les prix et les heures des cours en manifestant l'intention d'y prendre un abonnement. Remarquez ceci, Justine et Isaac, Isaac et Justine, que toutes les lettres demandant réponse étaient rédigées de façon à ce que cette réponse fût en quelque sorte forcée. Chardin, lettre d'un débutant littéraire demandant de l'aide. Docteur Bouchard, lettre d'un pseudo-confrère réclamant une brochure du docteur, ce qui le flattait et était comme un hommage rendu. Masset, lettre d'un mélomane enthousiaste qui demandait bien peu de choses, une signature au bas d'une photographie que le sculpteur envoyait et qu'on ne pouvait refuser de lui retourner. Devers, demande d'audience à laquelle on répond toujours, quitte à y conduire prestement le solliciteur. L'employé comptable, lettre commerciale comportant l'espérance d'une souscription d'élèves. Ces lettres étaient donc combinées avec la plus parfaite habileté pour nécessiter une réponse à laquelle on pouvait d'autant moins se refuser que l'écrivain joignait un timbre-poste pour la réponse. « Voyons, Isaac, » continuait Fouinard, « réponds-moi sincèrement. Si on t'écrivait à toi, chien, pour te demander à quelle heure on peut t'apporter une pâtée divine et qu'on joignit un timbre pour la réponse, que ferais-tu ?» Isaac, à qui il s'adressait, l'écoutait, le museau levé avec l'attention la plus éveillée. « Eh bien, toi, Isaac, tu répondrais que tu manges à toute heure et que la pâtée serait accueillie avec reconnaissance. Ceci fait, tu prendrais une enveloppe, tu écrirais l'adresse figurant au bas de la lettre séductrice, et au moment de la franchir, tu songerais au timbre pour la réponse, qui figurait sur le coin du papier tentateur. Tu passerais ce timbre sur ton chiffon rouge, tu le collerais, et tu tomberais mort. » À ce moment, la porte s'ouvrit. C'était Michel qui revenait, accompagné du docteur Tozan, qu'il avait rencontré à quelques pas de là, accourant à l'appel de Fouinard. Mais aussi Suzon les avait aperçus et, les arrêtant, leur avait fait part de ses inquiétudes au sujet des étranges allures de Fouinard et du chien errant qu'il avait racolé sur la voie publique et qu'il appelait Isaac. Fouinard alla vers les arrivants, les mains tendues. « Eh, qu'y a-t-il » fit-il en riant. « Vous avez des mines toutes drôles. Ah, voilà, je comprends. C'est cette chère petite Suzon qui vous a dit que j'étais en train de déménager. Eh bien non, mes amis, mes bons amis. Votre Toto n'est pas encore ma boule. Ça viendra peut-être. Surtout quand il songe à toutes les cruautés, à toutes les perversités de la race humaine. Mais ce n'est pas pour cette fois-ci. » Et s'adressant au docteur Tozan, « J'abuse de votre complaisance, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous savez bien que je suis tout acquis. Et puis je sais trop que si vous m'appelez, c'est qu'il s'agit encore de quelques services à rendre. Et vous avez bien raison. Je vais tout vous expliquer tout à l'heure. Et vous verrez que jamais Toto ne fut plus lucide. Et que jamais ni vous ni lui ne vous êtes trouvé en face d'un fait plus effrayant. Ah, à propos, je suis passé comme tous les jours à ton domicile du Faubourg Saint-Martin. La mère Crayou m'a remis cette lettre qui était arrivée à ton adresse. » Il tendit le pli à Fouinard. À peine celui-ci avait-il jeté les yeux qu'il poussa un cri, puis, comme pris de frénésie, il se mit à courir autour de la chambre, gambadant, poussant des exclamations inintelligibles, si bien qu'Isaac, croyant à un jeu, s'était mis à le poursuivre en aboyant à gueule « Que veux-tu ?»« Mais qu'est-ce qui lui prend ?» clama Suzon. « Vous voyez bien, mon pauvre Toto, il devient fou. » « Halte. Rectifiez la position. Fixe !» cria Toto. Il sauta sur ses pieds dans la position réglementaire. Et brandissant l'enveloppe qui venait de lui être remise, « Savez-vous ce qu'il y a là-dedans » cria-t-il. « Non, mais parlez, parlez donc, votre exaltation nous effraie. » « Il y a là-dedans » il prit un temps, en acteur sûr de son effet. « Il y a dans cette enveloppe la mort à deux sous. » « Allons donc, que voulez-vous dire ?»« Ah, ça y est !» sanglota Suzon, « il n'a plus sa tête. »« La mort à deux sous, c'est pour rien !» débitait maintenant Fouinard sous le ton d'un camelot. « Deux sous pour le bourgeois comme pour les militaires. La mort, ah, le bandit !» Tozan lui prit la main. « Fouinard, mon ami, je vous en prie, revenez à vous. »« Mais je n'en suis jamais parti, » affirma Fouinard. « Là-dessus, mes amis, regardez-moi bien en face. Non, je ne déménage pas. Non, je ne suis pas fou. »« Voyez-vous cette enveloppe ? Eh bien, elle émane d'un être fantastique, d'un monstre, que nul ne connaît, que je ne connais pas moi-même. De l'homme qui a tué, assassiné, empoisonné Chardin, Bouchard, Masset, Devers, et qui finalement voulait me tuer moi-même. » Et comme il se regardait stupéfait, doutant encore de sa raison, « Oui, l'imagination la plus surchauffée, reprit-il, se refuse à concevoir la pensée d'un être malfaisant, analogue au gnome des légendes, au sorcier du Moyen-Âge, qui tapit dans quelque coin ténébreux, se complaît, se délecte, s'amuse à commettre sur des gens qu'il ne connaît pas, contre lesquels il n'a ni rancune, ni haine, ni désir de vengeance, le plus atroce et le plus lâche des assassinats. Regardez cette lettre, regardez cette écriture, elle est fiévreuse. La main qui la trace est celle d'un déséquilibré. Cette lettre a été mise à la poste, rue des Abbesses. Cette lettre est adressée à M. Fouinard, Faubourg Saint-Martin, avec prière de faire suivre. Nous allons l'ouvrir, je puis vous dire d'avance ce qu'elle contient. L'écrivain fait l'éloge de ma perspicacité qu'il qualifie de génie et me révèle qu'il se trouve dans une situation des plus critiques. L'espace lui manque pour m'exposer son affaire qui est des plus délicates et, en même temps, des plus difficiles à mener à bien. Et il me supplie de lui accorder un rendez-vous. Et il joint, entendez bien ceci, car là est le point, il joint un timbre pour la réponse. Disant cela, il coupait l'enveloppe avec la lame d'un canif. Il dépliait la lettre et l'attendait au docteur Tozan. Mais cela tient du prodige, s'écria le savant. Cette lettre est conçue dans les termes presque identiques à ceux que Fouinard vient de proférer. C'est à croire qu'il est doué de la seconde vue et qu'il y a à travers les enveloppes fermées. Il y a bien dans le coin, s'y joint un timbre pour la réponse, en toutes lettres, et le timbre y est, adhérent par une petite bande gommée qui l'attache au papier. C'est bien cela. Eh bien, mes amis, mes chers et bons amis, je vais vous prouver, hélas, que je ne suis pas fou. Je vais vous donner la démonstration du plus grand forfait qui, je crois, ait jamais été perpétré. J'ai d'ailleurs besoin de rassembler et de classer mes idées. Docteur, rendez-moi ma lettre. Je la remets dans l'enveloppe. Nous nous en occuperons tout à l'heure. Mais je vous le dis, à toucher ces papiers, j'éprouve comme malgré moi une impression de mort. Asseyons-nous et prenons un bon café qui nous donne la force de résistance. Voyons, Susan, vous savez ce que je vous ai demandé. Vous avez votre chair à saucisse. Soignez la boulette que j'ai dite. C'est la ciguë de Socrate. Toi, Isaac, écoute-nous aussi. Et après cela, l'Abraham que je suis procédera au sacrifice. Et sur ces paroles mystérieuses, Fouinard commença. Donc, il s'agissait des morts subites qui avaient épouvanté Paris. L'assemblée des hommes de science qui avaient étudié la question avait résolu une partie du problème. On avait constaté l'existence dans les cadavres des particules d'un poison déjà connu, classé dans les nomenclatures chimiques, mais dont la fabrication était nulle, le produit n'ayant jamais pu être jusqu'ici utilisé ni dans la pharmacopée ni dans l'industrie. Comment avait-il été ingéré par les victimes? Nul ne le savait. Nul n'avait même pu hasarder à ce sujet une hypothèse quelle qu'elle fût. En effet, pour tout le monde, chacun de ces empoisonnements, étant individuel, paraissait par conséquent sans autre relation avec les autres que l'identité du produit employé. Y avait-il crime, imprudence, par hasard? Nul n'avait formulé d'opinion précise. Finalement, et uniquement pour rassurer la population, on avait signalé un contre-poison plus ou moins spécifique, la menthe, dont Paris s'est gavé depuis quelques jours, à ce point que le prix de cette substance avait bien vite décuplé grâce à l'avidité de spéculateurs qui s'étaient efforcés de rendre l'achat inaccessible aux pauvres. Heureusement que l'État avait déjoué cette cruelle spéculation par des distributions abondantes et gratuites. De fait, il semblait que cette épidémie de mort subite se fût soudainement arrêtée, et depuis la mort du jeune Devers, on n'avait signalé aucun cas qui parut se rattacher aux faits qui avaient déterminé la panique. « Le monstre se reposait, » dit Fouinard, « non qu'il ait éprouvé quelques remords. Mais c'est évidemment un artiste qui aimait jouir de ses effets et qui craindrait de les diminuer, en répétant, en gâchant pour ainsi dire, l'impression terrifiante. De plus, étant évidemment philosophe, il a fort bien compris qu'après avoir exagéré pour ainsi dire les moyens de défense, qui doivent être très réels, c'est ce qu'on étudiera plus tard, cette belle ardeur de prophylaxie se calmera vite. La menthe deviendrait en horreur aux Parisiens comme le riz ou le cheval après le siège de 1870, et que l'insouciance qui nous est naturelle reprendrait le dessus. Pourtant, il s'agissait de ne pas trop se faire oublier, et le misérable en question a cherché quel pouvait être le personnage dont la mort subite pouvait produire en ce moment le plus d'émotions. Or, les journaux ont eu l'amabilité d'affirmer, sans le savoir d'ailleurs puisque nul ne sait où je suis, que je m'étais attelé à la solution de cet angoissant problème. J'étais la victime désignée. C'était un bon tour à jouer aux Parisiens que de tuer leur Fouinard national comme un vulgaire lapin qu'on foudroie avec quelques gouttes de cognac. Naturellement, on aurait fait mon autopsie, on trouvait dans mon organisme charcuté quelques vestiges de thanatidine et le tour était joué. Mauvais tour, convenons-en, pour moi surtout. Mais la chance a voulu que cet excellent Fouinard eut l'entêtement chevillé dans le corps et que, s'étant promis de trouver le mot de l'énigme, il eut déjà presque résolu le problème. Et voyez combien cela est curieux, à supposer qu'il subsistait encore quelques doutes dans mon esprit. On a toujours quelque peine à croire l'incroyable. C'est le criminel lui-même qui m'a fourni la preuve évidente, indiscutable, que je ne m'étais pas fourvoyé. En voulant me tuer, il s'est perdu lui-même, car je jure, oui, je jure par toutes les forces de ma volonté que je pincerai le monstre et qu'il n'en sera pas le bon marchand. Maintenant, écoutez-moi avec soin. Pardonnez-moi si je suis un peu long, mais pour être clair, il convient de ne rien omettre. J'ai l'esprit de rapprochement, de comparaison, d'analogie. Ce n'est pas un mérite, je suis bâti comme cela. Toute idée en évoque immédiatement une autre qui s'y rapporte par quelques points de ressemblance, si léger soit-il. Ce qui se répète m'intéresse et me saisit. Aussi, dans les faits divers qui relataient les morts de tous ces malheureux et sur lesquels mon attention avait été surtout attirée par celle de mon pauvre jardin, j'avais remarqué ce lambeau de phrase qui se trouvait dans toutes les notes. Celui qui était mort venait d'écrire une lettre, achevait sa correspondance, tenait à la main une enveloppe fermée et timbrée. Et immédiatement, cette idée me vint que l'amour était lié à ce fait de correspondance. Me lançant sur cette piste, je parvins à constater qu'en effet, tous les décédés venaient d'écrire une ou plusieurs lettres. Or, je suis arrivé à obtenir la preuve que parmi les lettres répondues, il y en avait toujours une qui était adressée à quelqu'un dont la demeure indiquée n'était pas la sienne. Mais ce qui fut surtout une révélation décisive, c'est que les lettres qui motivaient ces réponses étaient toutes de la même écriture, avec signature et adresse fausse, qu'elles émanaient toutes du même personnage et portaient toutes la même indication, s'y joint un timbre poste pour la réponse. D'où venait la mort? Ce pouvait être du maniement de la lettre de ce correspondant anonyme ou pseudonyme, ainsi que Charles X, dans une pièce d'Alexandre Dumas, voit son chien mourir pour avoir rongé les feuilles d'un missel. Mais la thanatidine ne tue pas par le contact sur la peau. Il faut qu'elle touche une muqueuse, ou s'introduise par une plaie ouverte. J'ai cherché, et j'ai fini par deviner que la mort était contenue dans le 6 juin, un timbre pour la réponse. Le destinataire qui reçoit la lettre première la lit, écrit la réponse sur son papier à lui, écrit sur l'enveloppe l'adresse de son correspondant inconnu, dont la demande paraît n'avoir rien que de très naturel. Puis il détache le timbre, le passe sur sa langue, a à peine le temps de le coller sur l'enveloppe et tombe foudroyé. Voilà ce qu'un être, auquel il faut refuser le nom d'homme, a imaginé pour se donner l'infernal plaisir de tuer à distance, sans jamais pouvoir être soupçonné ni atteint. Cet être a renouvelé, a réalisé la légende du mandarin qu'on ne connaît pas, qui est à des milliers de lieues de vous, et qu'on foudroie en mettant la main sur le bouton d'une porte. Seul, dans son cabinet, dans son laboratoire, dans son antre, cet homme choisit une victime, parmi ceux qu'il suppose écrire facilement, répondre à une demande spécieuse. Un homme de lettres dont on éveille la compassion littéraire, un chanteur dont on flatte l'amour-propre, un médecin à qui on demande les heures de consultation. Pour lui, le triomphe, c'est quand celui qu'il a désigné, celui qu'il a choisi, meurt subitement. Il a la jouissance du succès, et le bruit qui se fait autour de cette mort le récompense et au-delà de ses peines, que d'ailleurs vous jugez peu fatigante. Voilà toute la genèse, tout le développement de cette sinistre affaire. Et je pourrais vous en donner la preuve en passant sur ma langue le timbre que celui des personnages a placé là pour ma réponse. Fouinard avait pris le timbre et avait fait le geste. Des cris jaillirent de la poitrine de ses amis, mais il les rassura en souriant. « Hélas, non, dit-il, il n'est pas possible que ce soit l'auteur même de la découverte qui en fasse sur lui-même. La démonstration, et je dis hélas, parce qu'il est indispensable, fatal, que l'expérience soit faite pour que moi-même, pour que vous, mes amis, pour que tous, nous soyons convaincus que ces épouvantables combinaisons ne sont pas sorties de l'imagination d'un fou. Et quand je pense, s'écria Susan en pleurant, que ce brigand-là a voulu tuer notre Toto, ah, quand on le tiendra, il faudra le hacher en petits morceaux. Et se montrer aussi féroce que lui en répondant au meurtre par le meurtre. Non, petite Susan, parce que les autres sont cruels, ce n'est pas une raison pour l'être soi-même et accomplir des actes qu'on juge iniques chez autrui. Mais continuons. Une seule preuve peut être donnée que ce timbre-poste contient la mort à dessous, c'est d'en faire l'expérience sur un être vivant. C'est un devoir, dit le docteur Tozanne. C'est ici, dit Toto, dont la voix trembla un peu, qu'entre en scène le pauvre chien qui est là et qui nous regarde tranquillement, sans se douter que nous sommes en train de le condamner à mort. Pauvre Isaac. Je t'ai nommé ainsi dès que je t'ai vu parce que tu es destiné au sacrifice, comme le fils d'Abraham. Chère et malheureuse bête, ne fixe pas sur moi tes bons yeux innocents. Tu me fais mal. Je ne veux pas te connaître. Je ne veux pas t'aimer. Parce que je n'aurai plus le courage de te tuer. Ah, on va tuer ce pauvre petit Isaac, fit Susan qui avait des larmes plein les yeux. Force majeure, dit le docteur Tozanne. Il faut que le misérable aliéné qui a commis ces crimes inexpiables soit signalé demain à tout Paris. Que la chasse à l'empoisonneur s'ouvre dans tous les quartiers, dans toutes les maisons. Pour que l'autorité consente à prendre des mesures qui vont jeter dans notre grande ville un trouble qui n'a d'excuse que dans l'imminence d'un danger universel. Il est nécessaire que nous apportions une preuve indiscutable, qui d'ailleurs, comme le dit Fouinard, nous est nécessaire à nous-mêmes. Je suis chirurgien et je sais combien, quelquefois, j'ai peine à commander à mes nerfs et à ma sensibilité. Mais je songe à la haute mission dont je suis revêtu. Je sais que j'ai à guérir, à refaire de la vie. Et j'agis. Pas de fausse sensiblerie. À ce moment, Susan apportait une soucoupe sur laquelle se prélassait arrosé de jus de viande une boulette qui embaumait. Isaac la vit, ses narines se gonflèrent, il aspirait ce parfum excellent. « Retiens-le, » dit Toto à Michel, et tourne-lui la tête qu'il ne voit pas l'après fatal. En effet, de son couteau, il avait fait dans la viande une légère entaille. Puis, prenant le timbre post-mortel, il y avait introduit, refermant soigneusement la fissure. Se levant alors, Fouinard prit la soucoupe et alla la poser dans un angle de la pièce. Ses mains tremblaient légèrement. Il n'aimait pas tuer les bêtes. Michel tenait toujours Isaac, qui, inconscient du danger et toute sa gourmandise, essayait de lui échapper. « Lâche-le !» cria Toto. L'animal s'élança en avant. Mais alors se passa un fait soudain et inattendu. Quelque chose de noir sembla surgir du sol et, avec une inconcevable rapidité, glissa vers l'assiette. C'était un énorme rat, qui, à l'orifice de son trou, avait lui aussi senti la provende. Et qu'avant qu'Isaac pût franchir le court espace qui le séparait du rat, celui-ci avait saisi la boulette à pleines dents et déjà fuyait. Et soudain, et comme Isaac allait lui briser les reins d'un coup de dent, le rat eut un saut convulsif et retomba, mort. Isaac avait reculé et le regardait, stupéfait. Mais déjà le docteur Tozan avait couru au rat et l'avait saisi. « Empoisonné ! Foudroyé ! La voilà, la preuve !» Par la terreur que lui inspirait le chien, l'animal a mordu convulsivement dans la boulette et le poison est entré en contact avec sa langue. Et tenez, santé, Fouinard ! Et il écartait de force les mandibules de l'animal. L'odeur de foin coupé, si caractéristique, dénonçait la présence de la thanatinine. Avec une promptitude étonnante, le corps de l'animal se raidissait. Ce sont tous les symptômes que l'on a constatés sur les victimes humaines. Ainsi, c'était bien vrai, et encore une fois, Fouinard, vous avez déployé vos facultés surprenantes, vous avez tout deviné. Mais Fouinard ne l'écoutait pas. Il avait pris Isaac dans ses bras et lui embrassé le museau à pleines lèvres. « Sauvé, mon vieux chien, tu es sauvé !»« Ah, si tu savais comme cela me faisait gros cœur !»« Susan, vite une autre boulette, mais nature, celle-là » !»« La voilà !» dit Susan, « j'y avais songé !» Et avec attendrissement, il regardait ce brave Isaac qui, sans se douter du danger qu'il avait couru, mangeait en frétillant de la queue. Mais déjà le docteur Tozan, tirant un bistouri de sa poche, fouillait la gorge et l'estomac du rat. « Ces poisons sont extraordinaires, dit-il. Il n'y a pas en réalité de lésions, de brûlures. Ils agissent par inhibition. Vous permettez que j'emporte ce rat. N'oubliez pas que nous en avons besoin pour notre démonstration. Oh, soyez tranquille. Je serai là demain matin à la première heure. Avec mon rapport et les pièces anatomiques, c'est inouï, inouï. »